بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم في باب جديد وهو الخشوع في الصلاة كي لا كونسونطاسيون دو لا صلاة اي سولاي parmi les pistes de la salat wa qumu lillahi qanitin et tenez-vous debout pour Allah en étant concentré et silencieux. نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع والعشرين بعد المئة 127 حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفة نعم آنفة عن صلاتي. عائشة رضي الله عنها rapporte que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait la salade dans un vêtement qui contenait des motifs, des traits ou autres, et que il regardait ces motifs durant la salade. Et lorsqu'il a fini la salade, il a dit « Rendez ce vêtement à Abu Jahm et rapportez-moi son vêtement qu'il porte, qui est un vêtement d'une matière épaisse, qui est de couleur unie, neutre. Car ce vêtement qu'il a porté avec les motifs m'a distrait durant ma salat. M'a distrait durant ma salat. Et à Kourou Fadilat et Shia de l'Ansaïmi, oui, le rapporteur, c'est Aïcha, Radarana, dont on a déjà parlé auparavant. Et à Kourou Moudou le Hadith, Bayen Hukm, Istishab et Moussaldi, Mayulhi. C'est le fait de, qu'en est-il de porter une chose durant la salat qui puisse distraire. Qu'en est-il ? يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة فيها خطوط فنظر وهو في صلاته إلى خطوطها نظرة واحدة انشغل بها عن صلاته. Donc عائشة رضي الله عنها informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم a accompli la salat un jour dans un vêtement qui comprenait des motifs, qui avait des motifs en lui, et durant la salat il regardait ces motifs là qui l'ont déconcentré de sa salat. وكانت هذه الخميصة مهدى إليه أهداها أبو جهم لأنها أعجبته فأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بادر يأمر بردها إلى أبي جهم. Donc cette salat, cette khamisa, enfin ce vêtement lui avait été offert par Abu Jahm, car ce vêtement n'avait plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais cependant durant la salat, ses motifs l'ont distrait. Donc lorsqu'il a fini la salat, il a ordonné, il s'est hâté de faire rendre ce vêtement à Abu Jahm, ce cadeau qu'il avait fait. وَأَخَذَ أَنْبَجَانِيَ أَبِي جَهْمْ بَدَلًا عَنْهَا لِأَلَّا يَنْكَسِرَ قَلْبُهُ بِرَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَتَهُ وَعَلَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عَلَتْهُ عَنْ خُشُوعِ فِي صَلَاتِهِ. Donc par contre le Nabi صلى الله عليه وسلم en contrepartie a demandé à ce que Abu Jahm lui donne un autre vêtement qui était neutre, dénué de tout motif, afin que qu'il ne soit pas attristé que le Nabi Salam refuse son cadeau. C'est-à-dire, il lui a rendu le cadeau, mais en demandant un autre en échange. Pour dire qu'il ne refuse pas de lui, mais c'est juste cette chose en elle-même qu'il n'a pas voulu pour la cause citée dans le hadith. Car celle-ci, là, dit ça dans sa salat. Yaqulu min fawaid al-hadith, ijtinab al-musalli kullu ma yushghiluhu 'an as-salah wa 'an salatihi. Que le musalli doit éviter toute chose qui le distrait dans sa salat. Ce qui montre que beaucoup de vêtements qui sont portés aujourd'hui contiennent beaucoup de motifs ou de couleurs flashantes. Cela n'est pas convenable et peut distraire les gens. Quelqu'un pourra dire, moi, je porte ce vêtement-là, mais alhamdoulilah, dans ma salade, je ne regarde pas. Toi, tu ne regardes pas, mais d'autres le regardent. Tant là, il porte des maillots de foot, il avait écrit des noms sur le dos de la personne. Celui qui fait la salade, il va voir ton maillot de foot. Dans la salade, il va lire ce qu'il y a devant lui. Il va voir ton vêtement qui porte telle et telle écriture, telle et telle inscription. Il va lire dans la salade. Donc cela va amener à quoi ? À le distraire dans sa salade. Même des fois des objets qu'on a devant nous, un livre retourné, un enfant qui joue. Tout ce qu'on peut avoir devant nous qui nous distrait de la salade, il faut l'éviter. Et le retourner, si cela est faisable, de sorte à ce que cela ne soit plus visible. Donc attention aux vêtements que l'on porte dans la salade. Ou des gens qui portent des vêtements, des fois, à la base interdits, qui sont moulants. Cela peut montrer tes formes aux autres. Déjà à la base c'est interdit car cela fait apparaître ta haoura. Et également comme le pantalon par exemple, qui lui est une ressemblance au mécréant, cela amène à ce que tu distraies les autres dans la salat. Pas ton vêtement à toi. Wali azbillah. ثانيا قال أهمية الخشوع في الصلاة وهو خضوع القلب وسكون البدن. Qu'il est important d'avoir l'humilité dans la salat, la concentration, d'accord, qui est fait que le cœur soit présent et d'avoir le corps inagité, c'est-à-dire le corps il reste immobile dans la salat. Thalithan, ithar ikmal al-amal al-salih ala malaz al-dunya wa zinatiha. Qu'il faut préférer justement la perfection de l'œuvre pieuse plutôt que les délices de ce bas monde et leur parure. Car le Nabi Sallam a préféré faire une salade complète plutôt qu'avoir un vêtement qui lui plaisait. Rabi'an jawaz al-libas al-mukhattat lirijal bi shart an la yakuna ala hayyat al-libas an-nisa. Qu'il est permis à l'homme d'avoir des vêtements qui soient ornés de rayures, car le Nabi Sallam ne l'a pas rendu interdit, c'est juste que pour la salade, il n'a pas voulu le porter, tant que cela n'amène pas à ressembler aux vêtements des femmes. Donc à la base, porter ces vêtements-là, cela est permis avec les motifs. Cependant, dans la salade, cela est détestable car cela peut déconcentrer ou les autres. Non, donc la solution, c'est de porter un vêtement le plus sobre possible. Le plus sobre possible. Rabi'an jawaz tayyib. Khamisan husn khuluq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cinquièmement, qui était le bon comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. Fabi'ad al-Qad Naktafi. Walhamdulillah.